Qu'est-ce que tu veux faire alors? Bon, je pense. Plonger peut-être. Combien? Pour toi? Les tuyaux, les robinets, ça t'intéresse? Oui, j'aime bien jouer avec l'eau. Et puis papa dit que les plombiers gagnent plus que lui. Et puis quand on est plombier, on travaille quand on veut. Si un client vous appelle et qu'on n'a pas envie d'aller travailler, eh bien on reste chez soi. Tandis que si on veut être ingénieur ou dans un ministère, il faut aller travailler tous les jours. Même si on n'a pas envie. Dans la vie, on ne fait jamais ce qu'on veut. Tenez, mon papa, quand il était jeune, il voulait être maçon. Pas Mireille, parce que Mireille, c'est ma soeur, oui. Mais je sais pas ce que je veux dire. Je veux dire ma soeur pour masser les gens qui ont mal au dos. Seulement, il avait toujours les mains froides, mon papa. Alors, hein, forcément, on ne peut pas réussir comme ma soeur si on a les mains froides. Les clients ne supportaient pas ça. Alors maintenant, ils fabriquent des autos parce que les autos supportent très bien les mains froides. Remarquez que ça n'empêche pas mon père d'être un homme très chaleureux. Mains froides, cœur chaud, comme on dit. On dit ça? Mais oui, ça se dit. Du moins, dans le jour, Jacques le dit. Et grand-mère aussi. Mais qu'est-ce que tu veux faire, alors? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire alors? Plombier peut-être. Plombier peut-être. Qu'est-ce que Marie-Laure veut être plus tard? Plombier. Ouais, j'aime bien jouer avec l'eau. J'aime bien jouer avec l'eau. Pourquoi est-ce qu'elle veut devenir plombier? Parce qu'elle aime bien jouer avec l'eau. Et quand on est plombier, on travaille quand on veut. On travaille quand on veut. Quand on est plombier, on travaille quand on veut. Quand on est plombier, est-ce qu'on est obligé d'aller travailler tous les jours? Non, on travaille quand on veut. Mon papa, quand il était jeune, il voulait être masseur. Il voulait être masseur. Pour masser les gens. Pour ceux qui ont mal au dos. Pour masser les gens. Ceux qui ont mal au dos. Un masseur. Il masse les gens qui ont mal au dos. Mais mon papa, il avait les mains froides. Il avait les mains froides. Forcément, on ne peut pas réussir comme ma sœur si on a les mains froides. Si on a les mains froides, on ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir comme ma sœur. On ne peut pas réussir comme ma sœur. Les clients ne le supportent pas. Les clients ne le supportent pas. Pourquoi le père de Marie-Laure n'est-il pas ma sœur? Parce qu'il avait les mains froides. Alors maintenant, il fabrique des autos. parce que les autos supportent très bien les mains froides. Alors maintenant, ils fabriquent des autos. Parce que les autos supportent très bien les mains froides. Pourquoi est-ce qu'on peut très bien avoir les mains froides et fabriquer des autos ? Parce que les autos supportent très bien les mains froides.